Alors un homme engagea une sentinelle et lui dit que tu dois veiller. Seulement dans ma cour et pas dans ma maison. Je ne veux pas te voir dans ma maison. J'essaierai toi de ton cœur. Sentinelle, tout ce que tu as. Ne me cache rien, alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin. La nuit vint et le voleur pénétra et prit tout ce qui était bien dans la maison. Alors l'homme vint et gronda la sentinelle. La sentinelle dit, tu m'as dit de garder rien que la cour. J'essaierai toi de ton cœur. Sentinelle, tout ce que tu as. Ne me cache rien, alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin. Le lendemain, l'homme convoqua la sentinelle. Il lui dit que tu peux garder tout dans ma maison. Mais surtout n'entre pas dans ma chambre. Mais la nuit, les voleurs pénétra dans sa chambre. Oh, je sais quoi de ton cœur. Sentinelle, tout ce que tu as. Ne me cache rien, alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin, jusqu'à ce que notre ami été fatigué. Et enfin il dit, tu peux tout garder. Et la sentinelle dit, alors cher ami, désormais aucun voleur ne peut voler. J'essaierai quoi de ton cœur. Et sentinelle, tout ce que tu as. Rien, alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin. C'est comme cela que beaucoup disent à Jésus-Christ, tu seras sentinelle de ma chair et rien que ma chair. Mais parfois ils sont surpris par des sorciers. Donne-lui tout ce que tu as, il te gardera. Oh, j'essaierai quoi. alors rien. Je te conduirai jusqu'à